La Bible David Martin 1855. Seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens. Seconde Corinthiens chapitre 1. Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute la Chaïe. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre affliction, afin que par la consolation, dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque affliction que ce soit. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, qui se produit en endurant les mêmes souffrances que nous endurons aussi, soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Or l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous êtes participants des souffrances, de même aussi vous le serez de la consolation. Car, mes frères, nous voulons bien que vous sachiez notre affliction, qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été chargés excessivement, au-delà de ce que nous pouvions porter, tellement que nous avions perdu l'espérance de conserver notre vie. Car nous nous sommes vus comme si nous eussions reçu en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, et qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre, et en qui nous espérons qu'il nous en délivrera aussi à l'avenir, étant aussi aidés par la prière que vous faites pour nous, afin que des actions de grâce soient rendues pour nous par plusieurs personnes, à cause du don qui nous aura été fait en faveur de plusieurs. Car c'est ici notre gloire, savoir, le témoignage de notre conscience, de ce qu'en simplicité et sincérité devant Dieu, et non point avec une sagesse charnelle, mais selon la grâce de Dieu, nous avons conversé dans le monde, et particulièrement avec vous. Car nous ne vous écrivons point d'autre chose que celle que vous lisez, et que même vous connaissez, et j'espère que vous les reconnaîtrez aussi jusqu'à la fin. Selon que vous avez reconnu en partie, que nous sommes votre gloire, comme vous êtes aussi la nôtre, pour le jour du Seigneur Jésus. Et dans une telle confiance je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous eussiez une seconde grâce, et passer de chez vous en Macédoine, puis de Macédoine revenir vers vous, et être conduit par vous en Judée. Or, quand je me proposais cela, et j'usais de légèreté, ou les choses que je pense, les pensais-je selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, mais Dieu est fidèle, que notre parole de laquelle j'ai usé envers vous, n'a point été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous entre vous, savoir, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a point été oui et non, mais il a été oui en lui. Car tout autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en lui, et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arts de l'Esprit en nos cœurs. Or, j'appelle Dieu à témoin sur mon âme, que ça a été pour vous épargner, que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, puisque vous êtes demeuré ferme dans la foi.